الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. On continue la lecture du livre Taysir al-Allam, Sharh Amdat al-Ahkam. La semaine dernière, on avait entamé le livre du pèlerinage. ثم قال المؤلف رحمه الله المواقيت باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهي زمانية ومكانية. فالزمانية أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والمكانية ما ذكرت في هذين الحديثين. وجعلت هذه المواقيت تعظيما للبيت الحرام وتكريما، ليأتي إليه الحجاج والزوار من هذه الحدود معظمين خاضعين خاشعين، ولذا حرم ما حوله من الصيد وقطع الشجر، لأن في ذلك استخفافا بحرمته وحظا من كرامته، والله سبحانه وتعالى جعله مثابة للناس وأمنا، ورزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون. Donc le chapitre des mawaqit, des délimitations. Al mawaqit, les délimitations, qui est le pluriel de miqat. Et ces délimitations sont de deux sortes. Il y a la délimitation temporelle et la délimitation terrestre. Quant à la délimitation temporelle, ce sont les mois du Hajj, qui sont Shawwal, Dhul Qi'dah et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc les mois dans lesquels l'on peut faire le Hajj, ou les mois du Hajj sont Shawwal, Dhul Qi'dah et Dhul Hijjah. Est-ce que Shawwal, c'est un mois du Hajj? Oui ou non? Oui. Shawwal, c'est un des mois du Hajj. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Shawwal, c'est un mois du Hajj? Dhul Qi'da et Dhul Hijjah. À partir de quand les pèlerins vont à Mina? Le 8 de Dhul Hijjah. Pourquoi citer alors Shawwal et Dhul Qi'da? Naam, le départ de chez eux. Moi, par exemple, si je veux partir faire le Hajj, je pars de chez moi le 5 de Shawwal. D'accord? Je veux faire le Hajj Tamattu'. Je vais d'abord faire ma Umrah, puis je fais mon Hajj. Il faut que, pour que mon Hajj Tamattu' soit valide, il faut que je commence ma Umrah pendant les mois du Hajj. Si je fais ma Umrah pendant le Ramadan, ce sera compté comme une Umrah de Ramadan. Ce ne sera pas compté comme une Umrah du Hajj. Par contre, si je la fais pendant le mois de Shawwal, qui est le mois qui suit le mois de Ramadan, si je pars de chez moi en Shawwal pour faire le Hajj de Tamattu' et je fais ma Umrah au mois de Shawwal, puis quand j'ai terminé ma Umrah, je remets mes vêtements normaux et j'attends le 8e jour de Dhul Hijjah. Donc je vais attendre là-bas le mois de Shawwal, le mois de Dhul Qi'da et les 8 premiers jours de Dhul Hijjah. Et là, je vais commencer à faire le pèlerinage. Mais cette Umrah sera considérée comme la Umrah du Hajj, car je l'ai faite pendant les mois du Hajj. Pareil pour celui qui veut faire Al-Qiran ou celui qui veut faire Al-Ifrad. Celui qui veut faire Al-Ifrad, par exemple, qui veut faire le Hajj tout seul. Je veux faire que le Hajj, Al-Ifrad. Il va aller à la Mecque. Bien sûr, arrivé au Miqat, il va se mettre en Ihram. D'accord? Et il va rester en Ihram, s'il y va en Shawwal, Dhul Qi'da, jusqu'au 8e jour de Dhul Hijjah. Pendant 2 mois et 8 jours, il sera en état d'Ihram. Cela est autorisé car il est entré dans le rite du pèlerinage pendant les mois du pèlerinage. وعشر ذي الحجة. ici الشيخ البسام dit et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Ici il faut, il y a deux sens dans lesquels on pourrait comprendre cette parole de الشيخ البسام. Que c'est, si on comprend 10, ce n'est pas 10 qu'il faut comprendre, mais c'est 10 et quelques. Et les 10 et quelques jours de Dhul Hijjah. Pourquoi ? Car parmi les rites du pèlerinage, il y a la lapidation des stèles. Qui ont lieu quand ? La lapidation de la grande stèle le 10e jour, la lapidation des 3 stèles le 11e, 12e et 13e. Ici, 13 ou 12, c'est plus que 10. Donc ici, c'est 10 et quelques. Donc ça, c'est la première chose. 10 et quelques, c'est concernant les rites. Car après le 13e jour, il n'y a plus de rites. Les rites du pèlerinage sont terminés. Sauf pour celui qui n'a pas accompli certains rites. Comme par exemple, Tawaf al-Ifada. Tawaf al-Ifada. Le Tawaf du Hajj. Tawaf du Hajj, ça on dit qu'on peut le faire jusqu'à la fin de Dhul Hijjah. Donc il y a deux aspects qu'il faut avoir en tête. C'est les rites proprement dits, d'accord ? Et les rites que la personne souhaite faire après, ou qu'elle accomplit après. Qui normalement, le mieux, comme Tawaf al-Ifada, c'est de le faire le jour de l'Eid. Comme il est autorisé de le faire le lendemain, le surlendemain, etc. jusqu'à la fin de Dhul Hijjah. Par exemple également, parmi les rites qui sont faits à la fin, c'est Tawaf al-Wada'. Tawaf al-Wada', c'est un rite obligatoire du Hajj. Or, Tawaf al-Wada', on le fait quand ? Quand on s'en va. D'accord ? La personne, elle peut partir le 20e jour de Dhul Hijjah, le 25e jour de Dhul Hijjah, etc. Dans ce cas, elle aura fait ce rite du Hajj bien après les 10 et quelques premiers jours de Dhul Hijjah. Donc il faut avoir à l'esprit ces deux aspects. Et ici, Cheikh al-Bassam, lorsqu'il dit « wa ashrun min dhil hijjah » et 10 jours et quelques, 10 premiers jours et quelques de Dhul Hijjah, c'est-à-dire ce sont les jours dans lesquels les rites sont accomplis. Mais les rites qui sont retardés peuvent être faits jusqu'à la fin de Dhul Hijjah. Donc ça, c'est concernant la délimitation temporelle. Et la délimitation terrestre, c'est celles qui sont citées dans les deux hadiths, le hadith 207 et 208, que l'on va lire par la suite. Et Cheikh al-Bassam, rahimahullah, dit que ces délimitations ont été mises en place pour donner de l'importance à la mosquée sacrée de la Mecque et pour montrer la noblesse de cet endroit. Car les pèlerins ne doivent traverser ces délimitations terrestres qu'en étant humbles et craintifs à Allah subhanahu wa ta'ala, notamment en revêtant les vêtements de l'ihram et en prononçant la talbiya. C'est pour cela également que la terre sacrée de la Mecque et les alentours, la délimitation de la terre sacrée, il y est interdit de chasser, il y est interdit également de couper ou d'arracher des arbres. Car cela reviendrait à minimiser le caractère sacré de cet endroit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la Mecque un lieu de visite et un asile pour les gens. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, Mathabatan linnasi wa amna. Et Allah Azza wa Jal accorde aux habitants de cette terre sacrée de nombreux fruits, de nombreux bienfaits afin qu'ils soient reconnaissants. ثم قال الحديث السابع بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. الحديث الثامن بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن المنازل. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. رواه البخاري ومسلم. Donc le 207e hadith, selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini comme délimitation pour les gens de Médine Dhul Hulayfah, pour les gens du Sham Al-Juhfah, Al-Sham qui est la région de, actuelle de la Palestine, de la Jordanie, de la Syrie, aux gens du Sham Al-Juhfah et aux gens de Najd qui est l'est de l'Arabie, Qarn al-Manazil, et pour les gens du Yémen, Yalam Lam. Et il dit, c'est-à-dire le prophète Hassan a dit, Hunna lahunna wa liman ata alayhinna min ghayri ahlihin. Ces délimitations appartiennent à ses habitants ou à ceux qui les traversent, même s'il ne fait pas partie de ses habitants lorsqu'il veut accomplir le Hajj. Et la Umrah. Lorsqu'il va accomplir le Hajj ou la Umrah. Donc, ici, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les gens de Médine, il a dit c'est Dhul Hulayfa. Pour les gens du Sham, c'est Al-Juhfa. Pour les gens de Najd, c'est Qarn al-Manazil. Si on prend l'exemple de Ahl al-Sham, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le miqat de Al-Juhfa concerne les gens du Sham, mais également tous. Toute personne qui traverserait ce miqat al-Juhfa, qui ne fait pas partie des gens du Sham, mais qui le traverse en voulant accomplir le Hajj ou la Umrah. Donc dans ce cas, même lui, cette délimitation terrestre le concernera. وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَى. Et celui qui se trouve à l'intérieur de cette zone, alors il fait son ihram de là où il se trouve. Par exemple, Al-Juhfa. On verra Al-Juhfa que c'est un miqat qui est au nord de la Mecque, qui se trouve à peu près à 120 km. Celui qui habite entre les deux, entre la Mecque et Al-Juhfa, il va faire où son ihram ? De l'endroit où il habite directement. Hatta ahlu Makka min Makka. Même les gens de Makka font leur ihram depuis Makka. C'est le hadith 207 de Abdullah ibn Abbas. Le hadith 208, qui est le hadith de Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens de Médine font leur ihram de Dhul Hulayfah, les gens du Sham de Al-Juhfah. Et les gens de Najd de Qarn al-Manazil. Abdullah, c'est-à-dire Abdullah ibn Umar, a dit, et il m'a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les gens du Yémen de Yalamlam. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Qal al-Sheikh al-Bassam, al-Mawaqit al-Makaniya, les délimitations terrestres. Dhul Hulayfah. بضم الحاء وفتح اللام تصغير الحلفاء نبت معروف ينبت بتلك المنطقة وتسمى الآن آبار علي ويكاد عمران المدينة المنورة الآن يصل إليها وتبلغ المسافة من ضفة وادي الحليفة إلى المسجد النبوي 13 كيلا ومن تلك الضفة إلى مكة المكرمة عن طريق وادي الجموم 24 كيلا. والحليفة ميقات أهل المدينة ومن أتى عن طريقهم. Donc ici, Cheikh Al-Bassam dit ذو الحليفة, qui se prononce ذو الحليفة avec une dhamma sur le ha et une fatha sur le lam, qui est le diminutif de halfa. Et halfa, ce sont des plantations connues qui poussent à cet endroit. Et al-halfas, ce sont des sortes de touffes d'herbes hautes qui sont reliées. Et lorsqu'on les voit, on a l'impression que c'est des grosses touffes qui sont éparpillées les unes les autres. Je n'ai pas trouvé la traduction exacte du mot halfa en français. Et cet endroit est appelé Abar Ali, est appelé de nos jours Abar Ali, et les constructions de Médine sont presque arrivées à cet endroit. C'est une vallée, une sorte de vallée, et la distance entre cette vallée de l'Hulayfa et la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est d'à peu près 13 kilomètres. Et de cette vallée à la Mecque, à travers la route de Wadi al-Jumum, la distance est de 428 kilomètres. Donc entre la vallée de Al-Hulayfa et la Mecque, à travers, en passant par la route de Wadi al-Jumum, la distance est de 428 kilomètres. Car il y a une autre route pour aller de la Mecque à Médine, qui est la route de Jeddah. Mais là, c'est une route où la distance est plus grande. Et Al-Hulayfa, c'est le miqat, c'est donc la délimitation terrestre des gens de Médine et de ceux qui passent par ce chemin. Donc des gens de Médine qui veulent accomplir le Hajj ou la Umrah n'ont pas le droit de dépasser la délimitation, le miqat de Al-Hulayfa, qu'en étant en état de sacralisation, ou ceux qui passent par ce chemin, comme beaucoup de pèlerins aujourd'hui dont le séjour pour se rendre au pèlerinage, beaucoup commencent par Médine. Donc lorsqu'ils vont accomplir la Umra ou lorsqu'ils font le Hajj seul, eh bien ils font l'Ihram depuis ce miqat. Al-Juhfa bidham al-jim wa sukun al-ha al-muhmala wa fath al-fa'i ba'daha ha qaryatun baynaha wa bayna al-bahr al-ahmar 10 أكيال وهي الآن خراب ويحرم الناس من رابغ مدينة كبيرة فيها الدوائر والمرافق والمدارس الحكومية وتبعد عن مكة المكرمة عن طريق وادي الجموم 186 كيلا ويحرم من رابغ أهل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين ومصر والسودان وحكومات المغرب الأربع وبلدان أفريقيا وبعض المنطقة الشمالية في المملكة العربية السعودية. الجحفة qui est un endroit distancé de la mer Rouge de 10 kilomètres à peu près. Et à notre époque, c'est un terrain vague. C'est un terrain vague et abandonné. Et les gens, aujourd'hui, font l'ihram depuis Rabir, qui est une grande ville où il y a des écoles, etc., qui est distante de la Mecque à travers la route de Wadi al-Jumum de 186 kilomètres. Les gens font leur ihram de Rabir, ou font l'ihram depuis Rabir, depuis le miqat de Rabir, les gens du Liban, de la Syrie, de la Jordanie, de la Palestine, de l'Égypte, du Soudan, du Maghreb, les pays de l'Afrique et certaines régions du nord de l'Arabie, du nord de l'Arabie saoudite. Et c'est également le miqat des gens d'Europe. Les gens d'Europe, lorsque Kahr al-Juhfa se trouve sur pas loin de la côte ouest de l'Arabie. Or, tous ceux qui viennent du Maghreb, de l'Afrique, de l'Europe également, lorsqu'ils arrivent par Jeddah, passent à proximité du miqat de Al-Juhfa ou de Rabigh. Yalamlam بفتح الياء المثنى التحتية فلام فميم فلام أخرى بعدها ميم أخرى ويقال ألم لم والسكان تلك المنطقة الآن يقولون لم لم ولما سفلتت حكومتنا الطريق الآتي من ساحل المملكة العربية الجنوبي إلى مكة المكرمة المر بوادي لملم من غير مكان الإحرام القديم المسمى السعدية كنت أحد أعضاء لجنة شكلت لمعرفة مكان الإحرام مع الطريق الجديد فذهبنا إليه ومعنا أهل الخبرة والعارفون بالمسميات واجتمعنا بأعيان وكبار السن من سكان تلك المنطقة وسألناهم عن مسمى يلملم هل هو جبل أم واد فقالوا إن يلملم هو هذا الوادي الذي أمامكم وإننا لا نعرف جبلا يسمى بهذا الاسم وإنما الاسم خاص بهذا الوادي وسيوله تنزل من جبال من جبال Vous avez un ra ou un dal? Un ra. Min jibali sarah, thumma tamudduhu al-awdiyatu fi janibayhi, wa huwa ya'zumu, hatta sara hada al-wadi al-fahl aladhi tushahidunahu. Wa inna majrahu mumtad min al-sharqi ila al-gharb, hatta yasubba fi al-bahri al-ahmar, inda makanin fi al-sahili yusamma al-mujayrimah. Donc, Yalamlam. Ici, Cheikh Al-Bassam dit Bifat Hiliya Al-Muthannah Al-Tahtiya. Et souvent, les savants décrivent le mot pour bien préciser l'orthographe exacte. Ils disent avec une fatha sur le ya avec deux points en bas, pour bien dire que c'est un ya et que ce n'est pas un ta. Falamun, famimun, falamun, ukhra, ba'daha mim. Donc c'est ya avec deux points en bas, suivi d'un lam, suivi d'un mim, suivi d'un autre lam et suivi par un mim. Ya, lam, lam. Et il est dit aussi, parmi ces noms, Alam Lam. Et un autre nom que Cheikh Al-Bassam n'a pas cité, qui est aussi Yaram Ram. Yaram Ram, qui est aussi un troisième nom de ce miqat. Et les habitants de cet endroit, ou de cette région, l'appellent Lam Lam. Puis Cheikh Al-Bassam, Rahimahullah, dit lorsque nos autorités, donc là il parle des autorités saoudiennes, lorsque nos autorités ont construit la route qui longe la côte, la route de la côte sud de l'Arabie. Lorsqu'il parle de la côte sud, de toute façon, il n'y a qu'une côte au sud qui est la côte ouest. Lorsque nos autorités ont construit la route de la côte sud qui va à la Mecque et qui passe par Yalamlam. Qui passe par Yalamlam, dans un endroit autre que Al-Sa'diyah. Car dans cet endroit de Al-Sa'diyah, c'était dans cet endroit-là qu'il y avait le Miqat. Mais lorsque les autorités ont construit la nouvelle route qui longe la côte ouest, eh bien, cette route ne coupait pas la rivière de Yalamlam au même endroit que Al-Sa'diyah. On va expliquer tout à l'heure, je vais vous faire un schéma. Achir al-Bassam dit, je faisais partie d'un comité qui a été chargé de définir l'endroit de l'Ihram depuis la nouvelle route. Nous sommes partis et il y avait avec nous des gens spécialistes et nous nous sommes réunis avec des personnalités là-bas et des gens et des personnes âgées. Personnes âgées pour justement leur demander les informations de comment étaient les choses auparavant. Des personnes âgées qui habitaient dans cette région. Nous les avons questionnés sur la signification de Yalamlam. Est-ce une montagne ou est-ce un fleuve? Ils ont dit, Yalamlam, c'est le fleuve que vous voyez devant vous. Nous ne connaissons aucune montagne qui s'appelle Yalamlam. Mais c'est un nom spécifique à ce fleuve. Et ce fleuve puise sa source des montagnes As-Sarah. Et d'autres disent As-Sadah. Donc, soit on met le Ra ou soit on met le Del. Il y a deux noms. Non. Et en fait, c'est une chaîne de montagnes qui traverse, qui coupe ce fleuve. Et donc, ce fleuve est alimenté de part et d'autre de la montagne. Il est alimenté de part et d'autre. Et on verra tout à l'heure dans le schéma. Il a donc grandi, ce fleuve a grandi jusqu'à être cet immense fleuve que vous regardez actuellement. Et ce fleuve se déverse sur la mer Rouge, dans un endroit appelé Al-Mujayrimah. Wa innahu min sufuhi jibali Sarah, aw Sadah. حتى مصب به في البحر الأحمر يقدر بنحو 150 كيلا ونحن الآن في السعدية في نحو نصف مجراه. Ici, Cheikh Bassam dit, du ruissellement de l'eau des chaînes de montagne de Sarah jusqu'au l'endroit où le fleuve de Yalamlam se déverse dans la mer Rouge, il y a à peu près 150 kilomètres. Et Cheikh al-Bassam dit, et nous sommes dans Al-Sa'diyah, donc cet endroit qui était utilisé comme miqat auparavant, qui se trouve à peu près à mi-chemin de ce fleuve. وَبَعْدَ التَّجَوُّلِ فِي الْمَنْطَقَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ وَتَطْبِيقِ كَلَامِ الْعُلَمَةِ وَسُؤَالِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَالسُّكَانِ تَقَرَّرَ لَدَيْنَا أَنَّ مُسَمَّى يَلَمْلَمْ الْوَارِدُ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ ميقات لأهل اليمن ومن أتى عن طريقهم هو كل هذا الوادي المعترض لجميع طرق اليمن الساحلي وساحل المملكة العربية السعودية وأن الاسم عليه من فروعه في سفوح جبال السراه أو السداه إلى مصبه في البحر الأحمر وأنه لا يحل لمن أراد نسكا ومر أن يتجاوزه بلا إحرام من أي جهة من جهاته وطريق من طرقه وقد كانت الطرق يمر بالسعدية وهي قرية فيها بئر السعدية وفيها إمارة ومدرسة ومسجد قديم جدد الآن ينسب إلى معاذ بن جبل والسعدية تبعد عن مكة 92 كيلا أما الطريق الذي سفلت التي سفلتته حكومتنا فهو يقع عن السعدية غربا بنحو 20 كيلا يمر على وادي يلملم، وعندما مره إلى يلملم يكون وادي يلملم في مكة عن مكة 120 كيلا. ونحن بينا للمسؤولين جواز الإحرام من الطريق القديم والطريق الجديد وغيرهما مما يمر في هذا. Donc ici, Cheikh Al-Bassam dit, après avoir tourné dans cette région et avoir regardé et contemplé, après avoir demandé à ceux qui habitent là-bas, nous avons, et après avoir appliqué la parole des savants également, ils nous est apparu que Yalamlam, que ce qui est voulu par Yalamlam dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant le miqat des gens du Yémen ou de ceux qui passent par ce chemin, c'est tout ce fleuve qui traverse en largeur l'ensemble des routes du Yémen et de la côte de l'Arabie Saoudite. Et que la délimitation de ce miqat, c'est l'endroit du ruissellement sur la chaîne de montagne As-Sara jusqu'à l'endroit où il se déverse dans la mer Rouge. Et qu'il est interdit à celui qui veut accomplir un rite de dépasser, c'est-à-dire ce fleuve, sans être en état d'ihram, quel que soit l'endroit où il traverse ce fleuve, quelle que soit la route qu'il emprunte. Je vais vous expliquer par un schéma, c'est mieux. Le schéma, on essaiera de le mettre après sur Internet pour que ceux qui écoutent puissent l'avoir à l'esprit. Bon, à peu près. Hein. L'Arabie Saoudite, ici vous avez le Yémen, ici vous avez la Mecque, et ici vous avez Yalamlam. Ici Al-Juhfa, ici Dhul-Hulayfa. Dhul-Hulayfa, c'est le miqat le plus éloigné de la Mecque. On avait dit que c'était 428 km. Ici, on a dit que c'était 186. Yalamlam. Si on fait un zoom de Yalamlam, donc ici on a la côte. Yalamlam, le cheikh dit que c'est un fleuve. D'accord ? Qui commence dans une chaîne de montagne. La chaîne de montagne, c'est Sahara ou Sada. D'accord ? Ici, l'eau ruisselle des deux, de part et d'autre. De part et d'autre du fleuve. Ici, c'est Yalamlam. Qui a fait en sorte que ce fleuve grandisse et qui se déverse dans la mer Rouge. Et ici, c'est l'endroit où le cheikh dit Al-Mujayrima. Se déverse dans un endroit dans la côte appelé Al-Mujayrima. C'est cet endroit-là. D'accord ? Et la distance entre l'endroit où l'eau ruisselle des montagnes jusqu'à la côte, c'est 150 kilomètres. Donc ici, ça c'est le fleuve Yalamlam. Yalamlam. On a dit qu'ici, il y a le miqat de ce qui est appelé Sa'diya. Le shir dit qu'il était à mi-chemin du fleuve. Il y a la route qui amène au Yémen, l'ancienne route, c'était celle-ci. D'accord ? L'ancienne route, c'était celle-ci. Les autorités saoudiennes ont construit une autre route, d'accord ? Qui est plus à l'est. Il y a entre les deux 20 kilomètres. Et c'est justement cette route-là, lorsque cette route-là était en préparation, Cheikh El-Bassam faisait partie d'un comité pour définir l'endroit de l'Ihram pour ceux qui allaient emprunter cette route. Vu que c'était une route, c'est une autoroute en fait, donc les gens sont plus à même à emprunter cette route plutôt que les routes secondaires. D'accord ? Donc la question se posait, on va construire cette route, où sera l'Ihram ? Où est le Miqat ? Donc, le Cheikh est parti à Saadia, ils ont demandé, et ils ont vu que Yalamlam, c'est un fleuve, ce n'est pas une montagne, qui est alimentée par cette chaîne de montagnes Sahara, etc., et que les gens avaient l'habitude de faire l'Ihram dans cet endroit Saadia. Et là-bas, il y a une mosquée, etc., qui a été rénovée. D'accord ? Et le Cheikh, après avoir fait la recherche, en déduit que le Miqat, c'est tout le fleuve de Yalamlam. De l'endroit où il naît jusqu'à l'endroit où il se déverse. Et que toute personne qui viendrait du sud de l'Arabie ou qui viendrait du Yémen, qui traverse le fleuve de n'importe quel endroit de ce fleuve, qui ne doit le traverser qu'en étant en état d'Ihram, quel que soit l'endroit où il le coupe. Car bien sûr, il y a des ponts. Il y a des ponts dans cette nouvelle route, il y a un pont qui passe au-dessus de ce fleuve. Dans l'ancienne route également, il y a des ponts. Il y a sûrement d'autres routes secondaires qui traversent ce fleuve à travers un pont. À la Koulihal, quel que soit l'endroit, eh bien, la personne doit être en état de sacralisation. Et le miqat de Yalamlam, c'est tout le fleuve dans sa largeur, ou plutôt dans sa longueur. Mais quand on dit largeur, c'est par rapport à l'Arabie Saoudite. Le fleuve traverse l'Arabie dans sa largeur, ou dans une partie de sa largeur, non pas en longueur. Et Cheikh Bassam dit que la distance entre Saadia et la Mecque, c'est combien ? 92 kilomètres. D'accord ? Et que la distance entre cet endroit ici, où la nouvelle route joint ou passe au-dessus de Yalamlam, que la distance est de 120 kilomètres. Cette distance-là est de 120 kilomètres. Il est plus loin, c'est normal, car il est plus à l'ouest. C'est plus clair ? Attendez. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله وذلك في حج عام 1401 وأنا الآن أكتب هذه الأسطر في ربيع الثاني من عام 1402 فلا أدري هل يعاد الطريق من السعدية حيث الممر الأول أو يبقى هذا الطريق الجديد ويعد على ضفة الوادي أمكنة للإحرام ودورات مياه للمحرمين ويحرم من يلملم اليمن الساحلي وسواحل المملكة السعودية وأندونيسيا وماليزيا والصين والهند وغيرهم من حجاج جنوب أسيا والآن أصبح الحج غالبه عن طريق الطائرات أو البواخر التي لا ترسو إلا في مواني جدة. Donc, Cheikh El-Bassam dit que tout ceci Yani les études qu'ils ont fait, etc., c'était en l'an 1401 de l'Hégire. Et il dit, rahimahullah, j'écris ces lignes, j'écris actuellement ces lignes, nous sommes le mois de Rabi al-Thani de l'an 1402. Et je ne sais pas si la route de As-Sa'diyah restera la même ou si les gens passeront sur la nouvelle route. À la Koulihal, le cheikh l'a dit avant, quelle que soit la route que l'on emprunte, on ne doit pas dépasser le fleuve sans être en état d'ihram. Et bien sûr, au jour d'aujourd'hui, dans le miqat de Yalamlam, il y a tout ce qui est nécessaire pour les pèlerins. Il y a une grande mosquée, il y a les endroits pour se laver, les endroits pour faire les ablutions, les sanitaires, etc., etc. Des endroits pour se restaurer et tout ce qui est nécessaire pour les pèlerins. Et Cheikh Al-Wassam dit, font l'ihram depuis Yalamlam, Al-Yaman al-Sahili, ceux qui viennent de la côte yéménite. Car on verra que au niveau du Yémen, il y a ceux qui arrivent en Arabie Saoudite par la côte ouest et il y a ceux qui arrivent par la montagne. D'accord ? Par la montagne, ce sera un autre miqat pour eux. Mais pour ceux qui viennent par la côte ouest, eh bien, le miqat de Yalamlam est le leur. De même que ceux qui habitent sur la côte sud-ouest de l'Arabie. Lorsqu'ils vont à la Mecque, ils vont traverser Yalamlam. Donc, Yalamlam sera leur miqat également. L'Indonésie, la Malaisie, la Chine, l'Inde et les autres parmi les pèlerins de l'Asie du Sud. Donc, tous ceux qui sont de l'Asie du Sud, lorsqu'ils se rendent à la Mecque, lorsqu'ils se rendent en Arabie, arrivent par le sud de l'Arabie, traversent le Yémen, puis montent vers la Mecque. Et Cheikh Al-Bassam dit que maintenant, la plupart des pèlerins, c'est-à-dire de ces régions, se rendent à la Mecque à travers, par avion ou par voie maritime des bateaux qui ne n'arrivent à destination que dans les ports de Jeddah. Ce qui veut dire ici, ce que Cheikh Al-Bassam veut dire, c'est que ceux qui viennent par avion ou ceux qui viennent par bateau ne passent pas par le miqat de Yalamlam actuel, mais ils vont passer à proximité du miqat et qu'ils devront faire l'ihram au moment où ils passeront à proximité, au moment où ils seront le plus proches. Ceux, par exemple, qui vont venir en bateau, ils seront dans la mer. Ils seront peut-être proches des côtes, mais ils seront dans la mer. Et au moment où ils vont arriver au plus proche de Yalamlam, au niveau de la largeur, c'est là où ils devront faire l'ihram. Il est autorisé de le faire avant, on le verra par la suite. Il est autorisé de le faire bien avant, mais le mieux, c'est de le faire juste avant, lorsque l'on est à l'endroit le plus proche. Pareil pour ceux qui viennent en avion. Ils ne pourront pas, naturellement, faire l'ihram depuis le miqat en lui-même, mais ils feront l'ihram lorsqu'ils se rapprocheront du miqat. On a que t'effi bihada al-qadr. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.